broadcasting. Culture where creativity was consumed, but the consumer is not a creator. A culture which is top-down, owned, where the vocal cords of the millions have been lost. Digital technology is the opportunity for the revival of these vocal cords. I mean, culture where people produce for the love of what they're doing and not for the money. Bienvenue au podcast Mac Québec en direct du Apple Store Sainte-Catherine pour ce qui est de moi et de Jean-François. Voilà, on le voit avec Jean-François. On voit en arrière les employés qui s'affairent à installer les nouveaux iPads. Et il y a un gros doute que j'écœurerais pas à la porte d'entrée qui, lui, est là pour checker qu'on fasse pas nos étudiants en furie et qu'on n'aille pas chercher d'iPad 3 ou de Neo iPad ou de nouveau iPad un peu en avance de tout le monde. Effectivement. Avec moi ce soir pour l'animation, en fait, trois animateurs. Donc... Hey, c'est parce qu'on t'entend pas, on dirait que tu mimes un rire, Jean-François. Donc, Vincent, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, pas mal. Passe une bonne semaine? Oui, une très belle semaine. Je pense que ça a très bien été. Excellent. Jean-François est avec moi. Je vais lui tendre le micro parce qu'on a un micro pour deux. On manque de budget. La semaine prochaine, un bouton de don pour l'application Mac Québec. Et j'espère que vous allez donner en grande quantité. Oui, c'est une très bonne idée, ça, Vincent. Tu devrais nous mettre ça en mise à jour tout de suite. On peut rajouter l'API de PayPal dans l'application. Fait que Oui, hein? Je pense que ce serait peut-être une bonne idée. Ouais. On attendait être sûr que ça fonctionne bien, mais une fois que ça va bien fonctionner, là, c'est assez facile. Facile. Une fois que c'est fait, c'est seté, là, c'est assez simple de passer par l'API dans l'application iPhone ou iPad éventuellement. Là. Je coupe quelque chose, mais donc c'est ça, oui. Excusez, Alexis a dit quelque chose, fait que c'est... Ça n'a pas diffusé. Moi, en tout cas, dans Skype, Vincent? Oh mon Dieu! Hey, Olivier Goulet, oui, je suis sur Skype. J'écoute sur Playbook. On m'entend dans l'app, mais qu'on m'entend pas dans Spreecast. Là, t'as plus ton bon micro, là. Book. Mais il peut pas de... Parce qu'on t'entend de loin. Non. Oh. Là, est-ce qu'on m'entend mieux? Oui, on t'entend. Je ne sais pas dans le chat room si on t'entend. Alexis, Jeff. Est-ce qu'on m'entend dans le chat? Jeff sera pas très long, OK, Jeff? Juste attendre un peu là, parce qu'on essaie de régler le problème encore. Ouais, tout ce qu'il fait, c'est se promener avec sa caméra. T'es Wi-Fi au complet, toi, c'est. Ouais, mais moi, je vois un gros décalage là, sur vos images. Là. À cause du Wi-Fi, vous êtes les deux connectés sur la pause, j'imagine, en une coupe, là, fait que c'est assez lent, je trouve. On a un setup qui est assez... Il y a Jeff Fleur qui vient se joindre à nous. On a un setup qui est assez ghetto. C'est qui, Jeff Fleur? Je sais pas. Pour un trottoir, c'est excellent, là, mais le laptop qu'on utilise ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas d'électricité. Donc, en arrière, je ne sais pas si Jean-François vous l'a montré, mais on voit la batterie du laptop qui est en fait une Camry 2006. Avec un inverter. Voilà, ça, c'est la batterie. Et le char est en train de rouler. C'est crissement pas écolo. Et en fait, juste pour prévenir tout le monde, on a décidé, on a écrit, et Mac Québec va payer la taxe carbone sur tout ce qu'on a dépensé ce soir sur l'automobile. Donc, oui, on est en train de scraper l'environnement, mais on va payer pour. D'accord? Donc, c'était l'avertissement que je voulais faire. On a vérifié avec les instances de Mac Québec. Ah, Jeff Fleur, il veut venir nous aider avec notre... Yeah, sorry, Jeff Fleur, we are a French podcast and we're in live now and we're recording this discussion. So, sorry, but we need to speak French for that, so... Est-ce qu'on m'entend maintenant dans le chat? The problem is from your hand, Jeff. Est-ce qu'on entend Bernard maintenant? Je pense que faire une radio chez monoprice.com qui ne nous commandite pas du tout. C'est un bizarre de phénomène parce que je suis branché dans ma console. Vous autres avez le son dans la console. Mon micro est dans la console, mais les gens ne m'entendent pas. Oui, c'est ça. On ne t'entend pas dans le chatroom. Là, il est quelle heure, là? Il est 40, il faudrait commencer bientôt. Là. On veut mentionner aussi que le son, c'est très normal que ce ne soit pas synchro avec l'image. Les quatre images différentes sont envoyées de nos différents laptops, mais le son ne provient que d'un seul endroit, c'est-à-dire d'une conversation Skype que Bernard envoie dans Spreecast. C'est le setup qu'on utilise tout le temps, que ce soit sur Vocal ou ici, mais les gars, prenez des photos, c'est trop hot. Nice. On est en train de s'affairer à installer les nouveaux iPads. Il y a une très jolie famille de Apple qui est comme étendue, telle une Barbarella en dessous de la table. C'était absolument génial. En tout cas, que Jonathan Hive l'avait sculpté en personne. Oh my God. C'est geek, hein? La file n'est pas super longue. Je pense qu'ils sont 4-5. 3. 3, bon. C'est vrai, on est 3 en ligne. Oh. Ah. Je sais pas. Skype a coupé, on n'a plus de son. Vous m'entendez-vous? Oui. Bon, mais Skype n'a pas débarqué. Je pense que c'est... Bernard? Il n'y a plus de double. Aucun son maintenant ici. Fait que ça veut dire que Bernard est sorti de... Oui, c'est ça, mais là, on ne nous entend plus non plus dans ce podcast, là. On va... Alexis, tu as l'air de Sarge de Quake 3 avec ta smoke. Oui, Alexis... Mais là, en ce moment, on est diffusé dans l'application, là, mais... Ah ouais? Oui. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que le son est bon? Oui! Vincent, parle. Bon, m'entendez-vous? Là, c'est qui envoie le son? Oui, il y a le son dans l'application. Il y a un délai, par contre, hein? C'est près de 30 secondes. Non, là, ils n'en entendent plus. C'est là, Bernard doit être en train de jouer en même temps. C'est bon, là, on devrait nous entendre. Là, on nous entend. Il y a Adam qui vient aussi. Adam? Ah oui, attendez. Oui, dans l'appli, ouais, c'est normal. C'est moi qui pousse le son. Mais idéal égale son dans l'appli plus l'image dans Speedcast. Il va y avoir un délai entre l'image et le Speedcast, là, par contre. Ouais. Entre. Non, pas dans l'application, parce qu'on parle sur le chat, là, dans le Speedcast. C'est revenu. On entend double, Jean? Non, c'est moi, ça. Bon, et maintenant, moi, est-ce qu'on m'entend? Allez. Oui, je vois pas, parce qu'on a un micro. On entend Bernard, même s'il n'est pas en vidéo. Ah! Fait qu'on entend Bernard, même s'il est en même s'il n'y a pas de vidéo. Fait que... Okay. Bon, on entend Bernard. Okay. Pourtant, moi, je mon vidéo, OK, il est comme planté, mon affaire, là. On mettra pas Bernard en vidéo, fait que on va juste garder Bernard en son comme ça. Oui, parce que là, il faut dire aussi que la bande passante, on est en train d'utiliser le super réseau de Apple ici, sans Wi-Fi. Fait qu'on n'a pas amené notre comment t'appelles ça, non? Wi-Fi mobile. Notre Wi-Fi mobile. Ouais. Ah, c'est. Quel Wi-Fi? Ça. Faire un char Mac Québec. Oui, c'est ça. Comme Jeff a essayé de le dire, en ce moment, ils sont dans un hotspot de Apple. Je pense que Apple est même fermé en ce moment. Puis, il y en a quelques. Tous les iPads, tous les ordinateurs sont connectés sur ce même réseau-là, ou les mêmes, là. Il y a plusieurs réseaux alentour. Puis, le monde dehors sont aussi connectés dessus. Donc, c'est sûr que ça peut être un peu plus lent au niveau de la caméra, puis au niveau peut-être du voix avec certains délais ou peu importe. Là. Mais ça va, c'est bien, là, en ce moment. Pour ma part, je suis arrivé ici à 3 heures. Je voulais vraiment être le premier. Donc, je suis arrivé comme un crétin à 3 heures, puis je me gèle depuis ce temps-là. Le deuxième, c'est Jonathan, qui est arrivé un petit peu après moi. Et il est arrivé à 17h15, 17h20 à peu près. Et vers 18h30, t'es arrivé à quelle heure, Jeff? vers 18h30, il y avait une manifestation contre la brutalité policière. Il ne faut pas se laisser berner par le titre de la manifestation parce qu'elle revient à chaque année, à peu près au printemps, un peu avant le début du printemps. Et c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps des casseurs, c'est tout le temps des gens un peu anarchistes qui veulent foutre le bordel. Et ils se sont rendus à De La Montagne ou même un peu avant. Et le Apple Store s'est fait dire par la police de fermer ses portes. On est rentré dans le Apple Store pour se faire être protégé en quelque sorte. Et j'ai vu du coin de la rue, là, il y a un bedeau, le château qui est là. Du coin de la rue, il y a comme l'unité anti... les tapocheurs, là, avec les matraques, qui ont comme... investi la rue, puis quelques minutes plus tard, on entendait les bombes lacrymogènes sauter, puis tout ça. Là, ils ont comme... Je sais pas, là, ils ont comme dit, OK, ça passe pas, ça reste... Hello? C'est ça. Les gens se foutent un peu de notre gueule sur la rue. Il y a des gens super gentils qui sont venus nous voir un peu plus de bonheur. Le directeur du Apple Store est venu nous voir, il a dit « C'est toi le premier ». J'ai fait « Ouais ». Ils m'ont spoté. Ils ont dit « Lui, on ne l'engagera jamais ». Puis ils sont partis. Là, il y avait là. En ce moment, on est 38, on est 48 qui sont en train de nous écouter dans l'application et dans Speedcast. Il commence à avoir des gouttes de pluie. Alexis, à Gatineau, il fait orage, tonnerre, grosse pluie. Donc, ça s'en vient. Effectivement. Sors ton des gouttes. Ah oui, pour vrai. Là. Donc, écoutez, on va essayer de diffuser le plus longtemps possible. On a des moyens de fortune. L'année prochaine, on arrivera avec une armée et tout le kit que Vincent nous trouvera. Puis on sera mieux équipés. Mais là, on a un parapluie de golf. Fait que dès que lui, il arrache et il part, on pitche le stock dans l'auto puis on protège ça. Je vais essayer d'aller chercher... glisser en arrière ou je sais pas... Peut-être qu'il y a un truc de vent qui part là-dedans. Voilà! Hein, c'est super, broche à fond. Alexis, le Apple Store pour les iPads, ils vont commencer à vendre à quelle heure? C'est 8 heures de matin. À quelle heure? 8 heures. 8 heures, OK. Oui. Et aux États-Unis, il semblerait qu'il y ait des Walmart ouverts 24 heures. On a appris ça un petit peu plus tôt. Il y a des Walmart qui sont ouverts 24 heures et eux vont commencer à les vendre à minuit et une. Je ne sais pas s'ils ont le droit... Mais disons qu'à 8 heures du lancement officiel d'Apple, il n'y a comme pas grand-chose qui va se passer. Ça m'étonnerait qu'Apple leur dise « Non, vous ne pouvez pas faire ça. » Okay. Là, il mouille, fait que je vais comme me tasser un peu en dessous de l'ombrelle, histoire que mon micro... Hop là! De toute façon, pour ceux qui sont dans la chatroom ou qui nous écoutent via l'application, de Mac Québec, MQ Mobile. Il n'y a pas juste les Apple Store, il faut dire, ceux qui sont pas habitués, qui se connectent pour la première fois. C'est pas les Apple Store juste qui vont en vendre. Il y a les Future Shop, les Best Buy, les Bureaux en gros. Donc, il y en a plusieurs. Walmart peut-être aussi, là, aux États-Unis, oui, je sais pas ici. Donc, c'est ça. Faut dire qu'on est vraiment clown parce qu'on aurait pu aller au Apple Store de Laval. Là-bas, en fait, j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui. Et il semblerait en fait qu'il y a une entrée désignée là-bas où les gens attendent. Oui. Ils sont beaucoup plus tôt que nous. Entrée numéro 2 au Apple Store de Laval. Et on dit que vers 4 heures du matin, on est autour d'une trentaine de personnes, pas plus. L'année passée, je suis allé justement à Laval. OK. Puis pour l'iPad 2, puis justement, vous en ce moment, s'il commence à pleuvoir, eux... Non seulement l'entrée est déjà désignée, mais en plus, il y a une espèce de... L'entrée est cachée un peu, donc est protégée de la pluie. Donc, vous auriez pu être protégé de la pluie si jamais il commence à pleuvoir à Montréal. Mais on n'aurait pas eu de sans-fil. Effectivement. Il aurait fallu avoir une commandite ou quelque chose au niveau de la 3G, puis ça n'aurait pas été fameux pour le son. En fait, moins fameux que celui-là. Malgré que, bon, c'est quand même correct. Jeff, je pense qu'on va venir les faire ici maintenant, tous les jeudis soirs. Ça fonctionne. Je ferme une parenthèse, là. Le bureau, en gros, puis j'en ouvre une autre. Le bureau, en gros, là, il n'y a rien de manqué de charme à vendre des iPads, là, OK? Il y a quoi? Il y a quelqu'un dans le chat qui je le nommerai pas, mais acheter un iPad au bureau, en gros, ça manque de charme. Pas du tout. Ben, c'est pas très poétique. Tu sais, je veux dire, la compagnie qui a comme poussé le playbook le plus possible, puis que finalement, ils ont arrêté d'en vendre, ou en tout cas, ils ont moins. Non. Comme été déçus des ventes. Le bureau, en gros, en vend très bien. Premièrement, je suis très bien au courant. Deuxièmement, le playbook, c'est bien mieux que la marde de Android. Ça va très bien. Puis c'est pas parce que je suis vendu à Playbook ou rien, parce que j'ai un iPad, mais je trouve, surtout depuis la version 2.0, que la Playbook est beaucoup plus intéressante que l'Android, encore une fois. Moi, j'ai essayé une couple de fois Android, j'ai fait quelques formations, ces choses-là. Mais je peux pas dire que j'aime beaucoup ça. Mais Playbook, je trouve qu'elle a un certain charme, vraiment. C'est très intéressant. On va donner des points au playbook là où il se doit. Il y a quelqu'un actuellement dans la chatroom qui est en train de nous écouter sur Spreecast, sur le site de Spreecast, avec sa playbook parce que le flash fonctionne sur son appareil. Mais bon, on va leur donner ça, c'est tout. Les courriels qui ont été ajoutés version 2.0, l'attachement de données, il y a beaucoup, beaucoup de choses en ce moment sur la playbook. Pour l'anecdote, moi, je suis assis ici parce que j'ai eu le iPad Talk au début de la semaine. Je me suis assis avec ma conjointe et je lui ai dit, là, je m'en vais chercher le iPad. Tu as vu les pas de géant que notre fils a fait à apprendre 8 langues sur cet appareil-là. Maintenant, il lui faut le Retina Display. Il lui faut la caméra mégapixel. Et surtout, en fait, ben, il va pas respecter son père à l'adolescence s'il peut pas se connecter au 4G, au LTE. Donc, elle a très bien compris. C'est une femme qui est très compréhensive, que j'aime beaucoup. Et elle a accepté, en fait, qu'on vende d'abord l'iPad 1 que j'avais, que j'ai vendu très rapidement sur Twitter. Et là, je viens m'asseoir ici pour acheter mon iPad 3. iPad, on l'appelle iPad 3. Moi, j'ai commencé, j'aime bien... l'appellation Neo iPad, je ne sais pas ce que vous en pensez. Attends un petit peu, Alexis. Le son est dans le double. Il y a quelqu'un qui a changé, puis il y a un écho depuis que Bernard a connecté peut-être quelque chose ou quelque chose comme ça. Comme là, c'est mieux. Ben là, ils entendent de l'écho beaucoup. T'es pas sur ton micro, Bernard, ça c'est sûr. La qualité du son n'est pas assez bonne pour ça. Tout est OK, là. À partir de la semaine prochaine, Mac Québec va commencer à vendre des T-shirts. Ça va s'appeler Bernard Bring the Echo. Non, c'est parce que là, j'étais parti. Attends un petit peu, ça a l'air d'être correct là en ce moment. Ah oui, c'est correct. J'ai fermé le micro dans Spreecast. OK. Donc là, je suis de retour en image et en son. Voilà. On entend même Bernard. Donc, on commence dans 4 minutes à 22h pile. Ben, c'est déjà commencé. Amateur de Mac, bonsoir. Ben ouais, il n'y aura pas d'amateur de Mac Bonsoir, je pense, ce soir. Mais, les gens, on va juste prendre un petit break ici. Je vous laisse parler, messieurs, parce qu'on prend une photo de nous. Les gens de chez Apple nous trouvent assez débiles d'avoir un micro, d'être sous la pluie comme ça. Parfait. Tout mouillé, on a l'air de chien barbet. Pourquoi qu'il n'y a pas quelqu'un qui va mettre le Spreecast sur un des Macs dans l'Apple Store? Ils vont savoir que vous êtes en direct, là. Première. Je pense pas qu'ils vont prendre, qu'ils sont payés, ils peuvent être payés pour faire ça en même temps. Là. Non, mais la gérante peut le faire. We broadcast on Spreecast. If you want to put it inside, if you want to hear what you have to say. Faut qu'ils trouvent Mac Québec. Oui, c'est ça, pousse Mac Québec à la place. On est en train de faire un podcast live sur macquebec.com. Fait que si tu le mets sur le 27 pouces en dedans, vous allez nous entendre. On va jouer à Jandy avec les employés. On va jouer à Jandy avec les employés du Apple Store. S'ils nous mettent à diffuser, on va dire OK, Jandy. Tu penses? Non, she's gonna do it. She's gonna do it. Non? OK. C'est plate, on aurait pu faire Jandy donne un iPad 3 aux jeunes de Québec. C'est vrai. Plus tard, un petit peu, on va envoyer une équipe tactique dans la ruelle en arrière parce qu'ils vont jeter les vieux iPhones qui étaient en vitrine depuis le iPhone 4S. Moi, j'ai l'iPad qu'on avait ramassé, les props d'iPad géant qu'on avait ramassé, que j'ai montré dans un des... Là, je pense que je vais le faire tirer parce que, sérieux, chez nous, ça prend ben trop de place. Non, moi, je le veux. Toi, tu le veux? Oui, je pense que je le veux. Non, non, non. Tu sais, le gros, le iPad géant, là, le bon que j'avais ramassé. Il y a une POC, par exemple, en avant. Il est beau de derrière, mais il est pas très beau de devant. Ah ouais. Tu le veux 25, c'est à toi. Y a-t-il une grosse POC? Grosse POC en avant. Ouais, tu me le montreras, là. C'est, il y a Retina 1080, mais en avant, il y a un trou à peu près gros comme ma main. OK. C'est pas grave, on le fera tirer s'il y en a qui le veulent. Quand même que les gens sont là pour quelques nouvelles. Qu'est-ce qu'on a pu ramasser depuis le début de la semaine comme information, en fait? On peut faire un wrap-up un peu pour ceux qui nous ont pas écoutés au dernier show. Ouais. Premièrement, faut dire, on dit iPad 3, mais c'est le nouvel iPad. Officiellement, c'est pas le nom du iPad. Qu'est-ce que nouveau le Retina Display en ce moment? Donc, c'est du 2048 par 1536. Ensuite, le processeur, c'est le même processeur. En fait, c'est A5X, donc c'est un double cœur, je crois. Puis, il est cadencé à... cadencé à quoi, donc? 800 MHz? C'est 1 GHz. Le 800 MHz, c'est pour l'iPhone. Le processeur A5, c'est le processeur qui est dans le iPhone 4S, c'est le processeur qu'il y a dans le nouveau iPad. Mm-hmm. Et ce processeur-là, en fait, est sous-cadencé dans le iPhone 4S, mm-hmm. mais il est à 1 GHz dans le iPad. Ce qui a été amélioré, c'est vraiment au niveau du graphique, de l'unité graphique. C'est un 4 cœurs qu'il y a maintenant dedans. Et en fait, ça fait toute la différence. Ils l'ont mis, évidemment, pour pouvoir envoyer assez d'informations à l'écran, parce que ça prenait quand même du oomph pour remplir ces pixels-là. Mais il semblerait, en fait, que tout est plus smooth, tout ça, puis que les gens commencent à se demander si un plus gros processeur, c'est vraiment ça qu'il faut dans un ordinateur. Et de plus en plus, je pense que le développement va être fait au niveau du processeur graphique. On le voit de plus en plus dans des trucs comme Flash. Maintenant, on peut utiliser la carte graphique pour améliorer le traitement de l'image et tout ça. Dans Final Cut, si je me trompe pas, ils le font aussi dans Adobe, tout ça. Donc, quand on a une carte vidéo qui est vraiment puissante, plus le coprocesseur à côté, ça donne des résultats qui sont vraiment très bien. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire dans le iPad. L'amélioration du processeur graphique apporte beaucoup. Effectivement. Oui. On a des hooligans à côté qui parlent vraiment fort dans le podcast. Ah oui, vous me ramenez le trio. Alors, on remercie Jean-François de nous avoir pointé la webcam vers le Apple Store. Ça nous donne une vue un petit peu de l'action qui se passe présentement à l'intérieur du magasin. J'imagine qu'on fait en ce moment les changements des iPads, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça qu'il faisait il y a une couple de minutes. On attend au loin, en fait. Il y a du monde qui vont venir. Pourquoi ils débarrent la porte encore? Bon. Donc, tu parlais au niveau graphique. C'est vrai que, en fait, le processeur va travailler un peu plus parce que là, en ce moment, puis c'est pour ça, comme tu disais, tout le côté graphique a été amélioré. Maintenant, c'est, je pense, c'est un quad-core pour tout ce qui est graphique dans la machine. On va parler de jeux qui vont être améliorés. On va parler, bon, évidemment, en ce moment, dans l'iPad 2 puis l'iPad 1, il y avait près de 800 000 pixels. Puis là, en ce moment, il va avoir dans le nouveau iPad près de 3,1 millions de pixels. Donc, c'est vraiment beaucoup plus qu'avant. Donc, c'est sûr qu'ils ont besoin d'un processeur ou côté graphique, dans le fond, plus puissant pour être sûr de supporter tout ça. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Il est un petit peu plus lourd, puis il est un petit peu plus épais, mais de quelques millimètres. Puis je pense qu'il pèse environ 1,5 livres maintenant. Bon, cool. On dit que le son... Là, vous avez... Ouais, on a perdu le son. Vincent, on t'entend plus. Est-ce que moi, on m'entend? Non, il n'y a plus de son. Oh. T'as-tu débranché quelque chose? Pourtant, non. À moins que, écoute, je peux... Ah non, je peux pas faire... Je peux... Dans l'application, dans Flash, je peux pas feeder direct Skype. Ben, c'est pas ça que tu faisais? Non. Ah, c'est Alexis qui le faisait. Il est parti, Alexis. C'est Alexis qui faisait le son Skype. Pourquoi il est parti? Bon, okay. Okay, attends un petit peu. Si moi, je m'en remets... Jeff, Alexis, il est parti. Est-ce que maintenant, on nous entend? Oui, c'est ça. Ça a coupé. OK, là, c'est OK. OK, donc, il va falloir que Alexis, quand il revienne, il coupe son micro. Bernard, tu m'entends-tu? Oui. OK. Donc, c'est lui qui est fidèle son tantôt. C'est pour ça qu'on avait une boucle. Il va falloir que dans son Spreecast, qu'il mette... Ah bon, Bernard, tu m'entends... Bon, c'est juste moi qu'on m'entend dans Speedcast, là. OK, c'est juste l'application. Bien, on t'entend dans l'application aussi, mais dans Speedcast, c'est juste moi, là. Je ne sais pas pourquoi. Il y a du son dans l'application, oui, effectivement. Let's go, Vincent. Ça va être un monologue. Ouais, bon, c'est le Wi-Fi d'Alexis qui a coupé en ce moment, donc il va revenir. Alexis is back. Moi, je t'entends pas, Alexis, là. OK, attends un petit peu. Je vais essayer avec autrement. 1, 2, 3. OK, c'est bon, seulement Alexis et Vincent. OK, vous entendez Alexis en ce moment? OK, bon, là, je pense qu'Alexis, il t'entend, mais moi, je t'entends plus. T'es plus sur Skype, là, je pense. Mais là, pourquoi... Ah. Mais là, en ce moment, j'imagine Alexis est en train de diffuser dans Speedcast, puis moi, je fais juste écouter... dans Skype, donc pas dans Speedcast. Là. C'est assez drôle, hein, parce que là, en ce moment, j'entends Bernard, j'entends pas Alexis. Alexis, vous l'entendez, vous m'entendez... Vous entendez pas Bernard, puis JF, il est comme plus là. Moi, j'entends plus Bernard. Bonjour, messieurs. Oui, Alexis. Oui, je suis de retour. OK, cool, bon. Fait que là, il faut... Ça veut dire que tu diffuses encore, j'imagine, dans Speedcast? Oui. Ben, en fait, je l'ai programmé comme ça, là, mais... Il va peut-être avoir un retour de son. Tu penses? Peut-être, parce que... Non, je pense pas. Non, OK. Non, on nous entend. Bon. Donc, ce que je finissais par dire, puis je sais pas si vous m'aviez entendu, là, j'ai pas remarqué... Mais comme tu disais tantôt, oui, côté graphique, ça demande plus à la machine parce que tantôt, le iPad 2 puis l'iPad 1 géraient près de 800 000 pixels. Puis là, en ce moment, pour l'iPad 3, le nouvel iPad plutôt, gère plus de 3 millions de pixels. Donc, demande beaucoup plus à la machine. Donc, c'est sûr qu'au niveau graphique, ils ont dû améliorer ça. Puis, ils n'ont pas gardé le simple processeur A5. Donc, ils l'ont appelé A5X. J'imagine que dans le A6 ou le prochain processeur, il va supporter peut-être un quad-core où ils vont le garder et ils vont augmenter sa cadence. Donc, on va voir. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'informations qui sont sorties aujourd'hui. Puis là, il y a une machine à nettoyer la rue. Là. Ben, c'est pas pire, là, si tu parles. C'est une Zamboni, je pense. Hein? C'est vrai, hein? Non plus, on m'entend pas, mais c'est pas grave. On continue. Les gens nous entendent sur le chat. Qu'est-ce que je voulais dire? Faut dire que iFixit, qui est une compagnie qui vend des pièces et des tournevis, qui est très reconnue, en fait, pour ses tutoriels vidéo très bien faits, a envoyé une équipe en Australie qui sont les premiers à avoir atteint le 8 heures et qui sont les premiers à avoir commencé à vendre le iPad. Donc, eux autres se sont arrangés pour mettre quelqu'un en premier en ligne. Ils ont pris l'iPad, ils l'ont même pas ouvert, ils l'ont défaite pour aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en fait, la carte mère est à peu près de la largeur d'une barrette mémoire d'ordinateur, pour ceux qui en ont déjà vu une. Alexis, oui? Je te coupe, mais je sais pas, Mac Québec est parti, je sais pas si vous nous entendez dans le chatroom. Oui, c'est moi qui diffuse le son. Ah, c'est toi, OK. Bon, parfait. C'est bon. Donc, eux autres ont envoyé une équipe, ils ont défait l'appareil et puis quand j'ai quitté la maison tout à l'heure, il était en train d'updater tranquillement, il montait. Ce qu'on a appris aussi, c'est que sur la batterie, vu qu'elle est de 42,5 watts plutôt que de 20 quelques. La batterie va probablement prendre toute la nuit pour être rechargée. Ça va être beaucoup plus long parce que c'est le même 10 watts. C'est le même adaptateur de 10 watts et ça ne peut pas cracher plus d'énergie que là parce que c'est en USB. Mm-hmm. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'Apple est en train de vérifier pour d'autres connecteurs, d'autres types de connecteurs, pour peut-être envoyer plus d'électricité dans l'appareil. Effectivement. Qu'est-ce que j'ai lu en ligne? Vincent, tu peux peut-être nous parler. Je ne sais pas si on l'avait mentionné au dernier podcast, mais tu m'as trouvé, parce que moi, j'étais encore avec le iPad 1 au début de la semaine, mm-hmm. Puis Vincent m'a trouvé une manière, en fait, d'installer le iPhoto sur le iPad 1, pour ceux qui en ont encore un. Là. Effectivement. Oui, on en avait parlé la dernière fois, mais effectivement, il y a une manière de faire pour l'installer. En fait, puis c'est tout à fait légal. En tout cas, vous utilisez les moyens d'Apple. Ce qu'il faut faire, là, je vais trouver le logiciel, le tutoriel que j'avais trouvé, mais c'est l'utilitaire iPhone que vous pouvez télécharger sur le site d'Apple. Puis une fois que vous avez téléchargé, vous connectez votre iPhone, votre iPad sur l'appareil. Ensuite, une fois que le logiciel reconnaît que vous avez un iPad, bon, on le reconnaît en avant, vous ajoutez dans la section applications, qui est dans ce logiciel-là, vous transférez là, le fichier .ipa, qui est dans iTunes, okay. qui est caché, vous allez le chercher, puis vous le mettez dans cette application, dans ce logiciel-là, puis vous faites une synchronisation là, avec ce logiciel-là, puis le iPhoto va se transférer sur votre iPad 1. Par contre, il y a deux petites choses à respecter. Connectez pas tout de suite. En fait, laissez fermer votre iTunes. Laissez juste ce logiciel-là ouvert. La deuxième chose, c'est que quand vous allez synchroniser votre iPad iTunes, il va vous dire qu'il y a une application qui n'est pas supportée ou pas qui marche pas très bien. Donc, la seule chose qu'il faut faire, c'est d'autoriser, en fait, de juste fermer ou d'annuler ce message-là, puis ça va continuer. Donc, ça va bien marcher après ça. Vous êtes en train de voir que dans le vidéo, Jeff est en train de faire des mouvements. C'est que les gens de Apple à l'intérieur sont en train de déballer des parapluies. Et c'est clairement pas pour ouvrir dans le magasin. Fait que j'ai comme l'impression qu'on va se faire fournir des parapluies par Apple. Donc, c'est une des raisons pourquoi c'est très agréable, en fait, de faire affaire avec cette compagnie-là. Ils prennent soin de nous autres. pour les personnes qui sont dans le chat en ce moment, vous êtes... en ce moment, vous êtes quoi, 5-6 encore? Ils sont 34. Non, mais... En ligne, tu veux oui. dire? Oui. Ben, en ligne, en fait, officiellement, on est 3. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont ajoutés. Officiellement, il y a 3 personnes qui sont en ligne pour acheter un iPad. Mm-hmm. Mais il y a des gens, Jean-François, entre autres, et Jonathan Moreau, sont venus. Jeff est venu pour faire le podcast. On est 12? Bon, OK, on commence à avoir du monde. Jonathan, en fait, est juste venu pour nous pour être solidaire, en fait. Tu vois, quand on n'est pas étudiant, ben il y a quand même du monde qui peut être solidaire avec nous. Fait que attendre en ligne et se geler le cul, ben voilà. Merci, Joe. Alors, Jean-François, on voit ta barbe en super macro. il est en train d'essayer de reprendre son power supply sur le bord de la voiture. Parce que, comme je l'ai dit, on veut le répéter, on utilise une Camry 2006 comme batterie pour nos ordinateurs. Et c'est vraiment un truc de clown. C'est vraiment anti-éco. Et on a fait une demande auprès de Mac Québec, des autres instances de Mac Québec, pour payer la taxe carbone sur la diffusion qu'on fait en ce moment. Donc, on va regarder combien de gaz on utilise et on va repayer. Il y a des sites en ligne où est-ce qu'on peut, payer, en fait, pour atténuer, en fait, les effets de ce qu'on fait. Entre autres, Al Gore. Al Gore, qui est, on le sait, l'inventeur de l'Internet. Ou en fait, un des gars qui a eu affaire dans le processus décisionnel qui a mené à la mise en place d'Internet, qui a aidé, en fait, fait beaucoup de déplacements en jet. Et il s'est fait reprocher à cause de son film, là, dit, je sais pas quoi, Truth, là, la vérité... Oui, sur l'environnement, puis sur la présentation faite. C'est ça. Donc, lui, il se déplace partout dans le monde et il s'est fait reprocher, en fait, dans un premier temps, de se déplacer comme ça. Et le truc qu'ils ont répliqué, c'est « oui, c'est vrai ». On essaye d'apporter le message un peu partout, mais aussi ce qu'on fait, c'est qu'on paye la taxe carbone sur chacun des billets d'avion qu'on prend. Donc, lui, c'est comme ça, en fait, qu'il atténuait. Parce que faut dire, en fait, que son film a vraiment monté la conscientisation de l'opinion publique envers l'environnement. Mm-hmm. Si on en parle, c'est parce que évidemment, il est sur le board of directors de Apple. Donc, ça a un lien, là, quand même. Mm-hmm. Pour Mario Gaucher, qui est en ce moment dans le chat, qui pose une question, pensez-vous qu'il va y avoir une file pour le Future Shop et le Best Buy? En fait, oui, il va en avoir, parce qu'il y en a qui savent que le Apple, si bon, ils se décident, puis je pense que Bernard avait vécu un peu la même situation, était allé vers 1h ou 2h l'après-midi, puis le iPad 2 l'année passée était présenté vers 5h, puis il y avait quelques personnes au Future Shop, mais il y en avait eu, dans le fond, il n'y en avait pas assez pour que tu puisses en manquer, puis tu avais pu avoir acheté un iPad, je crois. Oui. Bien, en plus, bon, c'est aussi des quantités selon la taille du disque. Bon, c'est-tu un 16, un 32 ou un 64? Ah, okay. C'est-tu un blanc, un noir? Mm-hmm. C'est-tu un Wi-Fi seulement ou bien Wi-Fi 3G? Donc, il y a plusieurs combinaisons. Et ce qu'ils font dans les fils, d'avance, ils vont venir vous voir avec un papier puis ils vont vous demander le modèle. S'il en reste encore, vous allez garder le papier. Mm-hmm. Eux autres, ils vont garder le deuxième papier. Puis quand vous allez vous présenter, ils vont vous appeler, puis après ça, tu vas rentrer dans le magasin avec ton papier, puis ils vont te donner tout de suite le modèle. Mais c'est arrivé que dans le fil, ils disent, bon, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Il y a des blancs. Non, j'en ai plus de blancs. J'ai plus de 16 gigs, j'ai plus, bon, etc. Donc, c'est ça qui risque d'arriver aussi. Ouais, puis faut dire, puis là, je le dis, mais j'en parlais pas quand même souvent. Moi, je suis technicien en informatique chez Bureau en Gros. Puis j'en parlais pas souvent parce qu'on n'est pas commandité par Bureau en Gros. Mais il va en avoir aussi dans les Bureaux en Gros. Donc, je veux pas juste faire de promotion pour Bureau en Gros. Oh, une minute. Le monde d'Apple commence à sortir. Ils vont sortir leurs parapluies. Ils vont nous donner des parapluies. Comme je disais, j'essaie de ne pas me présenter le Bureau en Gros. J'essaie de parler avec Jeff en arrière. Mais donc, c'est ça. Puis, il va en avoir quelques-uns dans le Bureau en Gros. Arrête de vanter ta compagnie. Ce n'est pas commandité. Laisse-moi parler de bord. Merci. Donc, certaines compagnies avec qui je travaille... Oh non, on voulait se faire tirer pour notre gang. Il va en avoir, comme je vous dis. L'année passée, ça a pris beaucoup de temps avant que les iPads passent. Donc, il y en avait beaucoup... beaucoup en stock. Il n'y en avait pas tant que ça en stock, mais ça a pris un bon 12 heures avant qu'il n'y en ait plus. Donc, personne ne pensait d'aller dans un Bureau en Gros en avoir. Donc, cette année, si vous voyez que chez Future Shop, il y en a beaucoup, ou chez Best Buy, passez chez Bureau en Gros, voir s'il y a une file. S'il n'y en a vraiment pas beaucoup, allez là, parce qu'il va en avoir, en fait. Là. Donc, c'est ça. Il y avait aussi le Apple Store de Québec qui était un petit peu moins achalandé l'année dernière. Il y avait beaucoup de monde, mais peut-être beaucoup moins qu'à Montréal au niveau des files. Ça avait quand même été raisonnable à Québec. Okay. Donc, peut-être s'essayer les gens de Québec, là, c'est sûr qu'ils peuvent s'essayer comme ça. Mais bon... moi, je bouge pas! La file est grande, là... Si vous trouvez que la file est grande à Montréal ou dans les Apple Store en général, bien, rabattez-vous sur Bureau en Gros, Best Buy, Future Shop, les autres qui vont l'offrir finalement. Oui, effectivement. Puis le phénomène du coupon existe aussi dans les Apple Store. Donc, quand vous faites la file, à un moment donné, ils vont venir vous voir pour vous donner un billet. Quand ça va être votre tour, bien là, vous allez avoir. Vous êtes sûr d'en avoir un, là, quand vous avez le billet en main. Oui, c'est ça. Sur le billet, il va être écrit si vous avez un iPad 3G. Bien, là, ça va être un 4G. Si vous voulez avoir un iPad juste Wi-Fi, 16, 32 ou 64 gigs, blanc ou noir. Donc, vraiment, vous avez le choix. Puis, vous avez une limite de 2 iPads, donc vous ne pouvez pas en acheter plus. Mais vous avez 2 billets, donc c'est ça. Si vous en voulez un blanc. 16 gigs, puis l'autre noir à 32 gigs, il n'y a pas de problème. Là. Tant qu'ils vous donnent ces papiers-là, qu'ils vous confirment qu'ils en ont assez. Ou sinon, ils vont noter, puis vous allez pouvoir passer en magasin le lendemain, en fait. S'ils vous donnent un papier ou s'ils vous donnent une heure spécifique. Quand j'étais l'année passée à Laval, il y avait un bon 200 personnes. On était beaucoup, mais on n'était pas beaucoup au début. Donc, moi, j'étais arrivé troisième, quatrième à 4 heures le matin. Puis, ça avait très bien été. Puis, vraiment, là, vers midi, là, il a commencé à avoir une méchante grosse file. Donc, surveillez ça aussi. Bon, fait que là, on nous a demandé dans le chat. Ils nous ont demandé dans le chat qu'est-ce qui se passe, mais parce que les personnes d'Apple nous ont fourni des parapluies, puis là, la gérante du Apple Store, elle nous a tout pris en photo. Fait que moi, j'étais sur ma petite chaise de 4 ans avec le micro dans la main et avec le parapluie de golf dans l'autre. Alors, c'était comme, on va dire, pissant. C'est bien. C'est vrai, dans le chat, il y a Barnac qui dit que UPS livre demain. Les gens, d'ailleurs, on a vu sur Twitter, ailleurs dans les groupes Facebook, on fait le suivi par le numéro de tracking de leur appareil. There's an app for that. Il y en a plein, d'ailleurs. Et l'affaire, c'est que pour l'iPhone 4S, il y avait eu des problèmes au niveau des livraisons. Ils les avaient pas livrés nécessairement la bonne journée. Mmh. Donc, en fait, tu sais, il y a toutes sortes de manières d'avoir un iPad. Tu peux le précommander, tu peux venir t'asseoir en ligne, tu peux t'appeler Alain McKenna puis l'avoir une semaine d'avance. On salue Alain. Et mais la seule manière, en fait, de l'avoir puis d'être sûr de l'avoir, c'est de se mettre en ligne en quelque part. C'est la journée du lancement. Donc, Ou de payer 100 $ supplémentaires. Ouais, ou de payer 100 $ supplémentaires, en fait. Il y a des gens dans la ligne, dont moi, qui vendent leur temps d'attente, en fait, qui louent leur temps d'attente. Donc, moi, j'achète qu'un iPad et si quelqu'un me fait un transfert d'argent cette nuit, ben demain, j'en achète un deuxième et il vous sera livré en personne. Mais S'il te reste assez d'essence dans ton char. Oui, c'est ça. S'il reste assez d'essence, ça serait con que le char... Attends, laisse-moi voir. Non, on est cool, c'est bon. On peut diffuser encore un bon 4-5 ans. On fera pas ça. Ouais, tu le feras tout seul. Pour ma part, je viens de voir... Moi, j'ai commandé le Apple TV, le nouveau. C'est pas encore processé au niveau... Je suis rendu à l'étape... Processing items, donc c'est en commande, c'est pas encore au niveau de l'expédition. Je sais pas si il y a tellement d'appareils qui sont envoyés que la mise à jour se fait pas nécessairement. J'aurais tendance à dire que ton appareil va arriver en même temps que celui de tout le monde. Tu l'as précommandé quand, toi, le tien? Ah, dans la première journée, là. Mais tôt ou tu sais plus tard où tu as pris ton temps? J'ai pas commandé l'après-midi même. Je pense que je l'ai commandé en soirée. Dis-moi donc, pourquoi tu t'achètes le Apple TV 3? Ben parce que je n'avais besoin d'un deuxième. C'est pas pour le nouveau, en fait. J'avais attendu parce que je savais qu'il allait y avoir un nouveau qui allait arriver. Okay. Mais j'en avais besoin pour la télé du salon. OK, une deuxième télévision. Ouais, ouais. Parce que, faut le dire, au Canada, le contenu 1080p, on n'a pas de nouvelles. Il y en a aux États-Unis. Au Canada, il n'y en a pas eu jour 1. Et là, les sorties cette semaine, il y a Tintin qui est sorti. Puis s'il y a bien un film qu'on voudrait en 1080p sur le App Store, sur le iTunes Store, c'est Tintin. C'est Tintin. C'est Tintin, j'allais le dire. Oui, c'est ça, je me disais, j'ai voulu prendre les avances. Oui, donc c'est Tintin qu'on aurait voulu en 1080p et il est toujours en 720. Donc, en fait, moi j'ai proposé, il va probablement avoir un article d'écrit cette semaine pour parler un petit peu des nouveautés, mais personnellement, je veux dire, si vous avez déjà un iPad 2, faites pas de mise à jour au iPad 3 actuellement. Il n'est pas décevant. C'est sûr que l'amélioration à 1080p est bonne, mais on s'attendait quand même à ce qu'il y ait peut-être des apps, ce qu'il y ait des applications dedans qui puissent gérer en fait le App Store un petit peu. En ce moment, il y a des semblants, il y a des applications. Puis je dis ça parce que l'année passée, je les ai pas vues. Mais NHL, NBA, certaines applications de diffusion, je sais que NHL va être disponible au Canada. Là. En fait, certains le poussent, là, poussent cette information-là. Mais Il va y avoir quelques apps, puis je me demande si on peut se baser sur ça pour voir si les prochaines apps sur le Apple Store vont être vont ressembler à ça, en fait. Parce qu'on sait que ça peut rouler des applications. On l'a testé un peu, puis tout ça. Puis, ils ont... je ne l'ai pas testé, la nouvelle interface, mais j'ai comme l'impression qu'ils l'ont refait pour justement pouvoir y ajouter, en fait, des icônes, éventuellement des applications, tout ça. Donc, okay. J'ai hâte de voir. On dit dans le chat, puis ça a de l'allure, en fait, que le release du App Store pour Apple TV serait probablement fait avec le ce qu'ils appellent le iTV, le ITV, mm-hmm. Donc avec la télévision de Apple. Ça reste à voir encore une fois. Effectivement, puis si vous allez sur des sites FutureShop, Best Buy ou d'autres compagnies que je nommerai pas, puis ça dit que c'est épuisé, c'est pas les stocks qui vont être en magasin. Il faut bien le rappeler, c'est les stocks qui sont en commande. Donc, si c'est écrit sur le site que c'est épuisé, ça veut pas dire que ça va être épuisé en magasin, parce qu'en ce moment, il n'y a pas d'iPad dans les magasins comme Future Shop, Best Buy, puis Bureau en gros. Donc c'est ça. Puis ils vont arriver le matin. Donc, les employés vont avoir peut-être une heure, le temps de préparer, le temps de préparer un démo. Bon, je ne sais pas exactement c'est quoi le processus là, que Apple nous autorise. Puis, même les nouveaux iPads ne seront pas au même endroit que le reste de l'équipement. Donc, ça va être probablement dans une salle ou quelque chose de fermé, bien barré, où juste l'iPad sont là, puis où le directeur seulement a la clé. Donc, c'est assez sévère, puis assez contrôlé. Pour ceux qui sont passés durant les dernières semaines depuis l'iPhone 4S devant les Apple Store, vous avez pu remarquer que le setup, c'était des modèles géants, en fait, de iPhone 4S qui étaient sur des espèces de petits tuyaux. Mais en ce moment, ils sont en train de faire le setup des vitrines. Puis, tu sais, j'aime ça donner de l'information peu pertinente, mais en premier. Donc, c'est une espèce de gros cylindre blanc qui sont en train d'installer, mais plutôt qu'avoir une version grossie du iPad, ils font tout simplement, parce que évidemment c'est l'écran qui est l'attrait du nouveau modèle, puis ils peuvent pas construire de télé à la résolution de l'écran. Donc, ce qu'ils font, c'est tout simplement mettre des nouveaux iPads sur cette espèce de cylindre-là. Fait que ça va être assez dépouillé, merci, parce que ça va être deux écrans de 9,7 pouces de chaque côté de la vitrine. Oui, mais ils vont peut-être accrocher quelque chose sur les fenêtres. L'année passée, je me rappelle, il y avait un MacBook Air à Laval. Là, il y avait un MacBook Air dans les airs. Donc, probablement qu'ils vont mettre des ballons ou ils vont mettre quelque chose alentour. Moi, je me souviens que pour l'iPhone 4S, ils avaient essayé. Il y avait du matériel à coller. Puis, ils ont essayé de commencer à le coller. Puis, la fille, elle a fait, non, je peux pas mettre ça direct. Je peux pas mettre ça clean. Fuck that. Puis, elle l'a enlevé. Ils l'ont pas mis. Oui, souvent, quand il y a quelque chose de mal présenté, ils veulent juste... c'est plus beau clean, fait que ils vont laisser ça clean. Là, il y en a dans le chat qui pensent qu'on va peut-être diffuser toute la nuit. Non, on ne diffusera pas toute la nuit. Là. Ben, je sais pas. En tout cas, ça, je suis en train de penser. Je vais peut-être rester assez plus tard avec les gars. On va checker avec Alexis si on peut... Ce qu'on ferait peut-être, c'est revenir sporadiquement. Fait qu'on on promet rien, puis on va obliger les gens à rester réveillés, tu sais, puis hey, la gang de Québec, es-tu là? Mais on n'est pas sûr, en fait, parce qu'on va peut-être faire un power nap aussi un petit peu plus tard. On va pouvoir bientôt... ils vont-tu l'allumer? Il est allumé? OK. Approche-toi donc, pas game. on va vous apporter il y a GF qui va s'en aller proche de la vitrine du Apple puis qui va essayer de vous montrer le nouveau iPad dans la vitrine. Faudrait qu'il bouge un peu moins, faudrait que ce soit il s'approche. On recule quand même devant rien pour vous apporter la nouvelle. Pathétique. Bon. Bonjour. Merci beaucoup. Voilà. C'est la file. Il est dans la vitrine, si vous voulez le voir. Oui, mais c'est 100$. Il n'y a pas de problème. Vous me laissez un chèque. Il Jeff, peux-tu montrer la file en arrière? Jeff, tu peux-tu montrer la file qu'on me demande? Fait qu'il va se retourner, il peut... Tu peux-tu nous montrer la file? On n'est pas beaucoup, hein? Il y a quelques chaises qui sont installées, quelques personnes qui sont là. On est peut-être une douzaine à date. Je vais faire un petit recap. Je suis arrivé le premier, comme un zouf, à 3 heures de l'après-midi. D'ailleurs, il y a Véronique Cloutier qui me juge depuis ce temps-là sur Twitter parce que je l'ai annoncé. Elle a fait « Tu vas rester jusqu'à 9 heures demain matin. » J'ai fait « Oui, tu peux me juger. » Elle dit « C'est ça que je fais. » Oh, on voit l'écran. Tu sais que ta caméra de merde de je sais pas combien de pixels peut pas rendre l'écran comme du monde, tu sais. Pas vraiment, okay, on voit c'est ça. C'est vraiment de la bouette qu'on est en train de faire, là. Mais ça a-tu l'air d'être un bon rendu sur place? C'est comme si TVA envoyait son hélicoptère pour comme faire une couverture du lancement du iPad. Oubliez pas de prendre des photos, Alexis. Ouais, mais là, je tiens un ombrelle d'une main puis un micro de l'autre, fait que les photos, ça va attendre. Jeff, il peut le faire. Mais en fait, Jeff, ce soir. Jeff ce soir. Peut faire des photos. Ah oui. Ouais, on prend des photos. On envoie notre reporter. By the way, c'est une zone sinistrée ici. On a eu la visite des manifestants un petit peu plus tôt. Il y a eu des gaz lacrymogènes qui ont été lancés, tout ça. Apple nous a servi de shelter. Comme je disais, je suis arrivé à 3 heures. Le lancement est à 8 heures demain matin. Donc, si on calcule, je vais avoir fait 12 heures à 3 heures, faire 18 heures d'attente. Ouais. Si le temps, c'est de l'argent, je fais vraiment pas d'argent dans la vie. T'as pas dit que t'avais mis ton directeur des ventes puis des revenus à la porte une couple de semaines? Oui, c'est ça. Le gars qui travaillait pour moi pour 2011, pour ça, je l'ai mis à la porte. Et maintenant, il facture mieux. Mais faut qu'ils puissent facturer. Ouais. Alors, t'es assuré de faire tous les bulletins de nouvelles demain, autant TVA, Radio-Canada que CTV, Global et Pour et l'émission, compagnie. Pour l'émission du matin, oui. Puis je suis déjà réservé pour TVA, pour LCN et Argent, je crois. Puis peut-être le TVA Nouvelles en soirée. Pas de fax, là. On veut savoir dans le chat, est-ce qu'il pleut encore? Ou... Oui. Un petit peu. C'est des gouttelettes, là. C'est une température de marde, mais on est là. C'est surtout qu'il fait froid, là. On est bien habillé et tout. J'ai découvert. on va éviter. D'ailleurs, je vais me coucher un petit peu plus tard. L'année passée, c'était à peu près la même température, avec à peu près le même style de temps. Il y avait des petites pluies, petites mouillasses, comme on dit, là. Pour ceux qui pensent qu'Apple en sort... trop rapidement des iPads. L'année passée, c'était le 25 mars que le iPad a été mis en vente à Montréal. Il a été annoncé, on faisait en fait le premier événement Mac Québec en collaboration avec Crapule, dans le sous-sol de Crapule à l'époque. Et c'est ça, on était aussi ici le 25. J'ai tweeté un peu pour Mac Québec, envoyé les gens qui étaient en ligne, tout ça. Donc, c'était très drôle. C'est là qu'on a commencé à faire des événements. Combien qu'il y a de personnes environ qui sont rendues dans la file? On est une douzaine. On n'a pas changé depuis tout à l'heure, là, je pense. GF, ou juste une petite seconde, je vais demander un décompte. Messieurs, on est combien à attendre en ce moment? JP? Il faut dire que, en fait, c'est un peu comme l'année passée, puis en fait, tous les ans, les 10 premiers ou la douzaine en avant, c'est toujours une gang... vraiment les plus geeks puis les plus fanboys, puis vous vouliez un peu d'amitié dans Phil. Ben l'année passée, en fait, on a sur place, on a même créé... On a pris 300$ aller passer pour une place en ligne. Ouais. S'il y a quelqu'un qui m'offre 400$ ma place en ligne, d'où tu vas y donner? Tu t'en vas. Voilà, en arrière de moi, justement, il y a Jonathan qui vient d'apparaître. Went Wonk with Jean-François Vidéo Stream. Bon, vous rajouterez Jean-François. Ouais. Jonathan, qui est là, était le premier en ligne l'année passée. Et puis, c'est vraiment sa bouille sympathique qui a fait qui a galvanisé, si vous voulez, le groupe. Et on s'est créé un groupe Facebook privé. Oui, c'est ça. C'est une corporation secrète qui se donnait beaucoup, beaucoup d'informations. Les gens là-dessus, en fait, étaient très, très au fait, envoyaient l'info, tout ça. C'était super intéressant. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'informations, moi, que je suis allé chercher grâce à ce groupe-là l'année passée. Et Jonathan et James Dean sont venus au... Attends, c'était à quoi? C'était pas dans le sol de Crapule. C'était chez Macurbain qu'on avait fait, qui nous avait prêté une salle à Longueuil, qui ont maintenant un magasin à Montréal, dans Westmount. Ils ont racheté quelque chose. Ils ont racheté... c'était quoi la compagnie? iStore. C'était iStore qui a fermé, oui, et c'est Macurbain qui a racheté à Westmount. Vous avez fait cette diffusion-là, je pense, au mois de juin pour le WWDC au Macurbain. Le iPad 2, c'était votre événement, là. Puis, c'était vraiment chez Crapule. Non, ça, c'est pas l'iPad 2, mais le iPhone 4S au mois d'octobre, là, c'était chez Crapule. L'iPhone 4S? Oui. Vous étiez avec Crapule, fait que... On était avec Crapule, ouais. Mais c'était pas chez Crapule. OK, bon. C'était où? Benoît Mercier était là. Benoît nous le dirait. Il me semble que Benoît était là. En tout cas, il est dans le chat. Il nous posait des questions tout à l'heure. C'était à 8 heures, Benoît, demain matin. À Longueuil, c'est ça. Donc, c'était au Macurbain. Je ne sais pas s'il est en ligne, ce cher Crapule. Est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Non. Bon. En ce moment, on est 55. Moi, je l'ai 42 participants. Oui, 42 dans Speedcast, mais 13 dans l'application. By the way, tiens, je vais faire un petit sondage rapide. Pour ceux qui étaient là avant sur la diffusion vocal et sur la diffusion Spreecast, est-ce que c'est plus agréable sur Spreecast? Une fois que les problèmes d'audio sont réglés, là. Oui, évidemment. Qui n'ont pas rapport avec les plateformes, dans le fond, c'est plus quand on fait la mise en onde là, qu'on a plus de difficultés. Là. Voilà. Bon, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui disent que Speedcast, c'est mieux, donc... Spreecast. Il n'y a malheureusement pas d'application iPhone de disponible actuellement, mais éventuellement, on va rajouter une couche de complexité à l'affaire et on va faire une capture qu'on va diffuser dans Ustream ou quelque chose. Ou un jour, si je vais peut-être mettre le visuel dans l'application. Là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Une petite annonce, en fait, que je pourrais faire. Au début du mois d'avril, il va y avoir à Québec le salon de l'Aquaps. Je peux pas vous dire que veut dire l'acronyme, là, mais c'est un salon. Peut-être que Bernard, tu le sais, l'Aquaps, c'est quoi? C'est en éducation, je vais te le dire exactement. C'est l'association qui regroupe les utilisateurs d'ordinateurs ainsi que les personnes intéressées au développement et à l'utilisation des technologies dans l'enseignement, si je ne m'abuse. Voilà, c'est très bien dit en tout cas. Là, donc, ça se rapproche beaucoup de ce que c'est. Et en fait, on a été invité par la compagnie Callista, Callista. Callista fait des solutions pour faire du podcasting. Fait qu'on va peut-être essayer de leur en voler une. Excuse-moi, Alexis, en fait, c'est pour le primaire et le secondaire. Ah, OK. Ouais. Donc, on va aller au salon là-bas. Ce que j'ai lu, c'est qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de solutions de tableaux blancs qui vont être là-bas, mais aussi des éditeurs de livres scolaires qui font du numérique ou qui commencent à déployer leurs solutions numériques. Et puis, en fait, ce que je vais aller leur demander, c'est comment ils fonctionnent avec ça, en fait, ce qu'Apple a sorti, iBook Author, est-ce qu'ils sont prêts pour ça? Est-ce que leurs solutions sont aussi peut-être intéressantes? Qu'est-ce qu'ils voient comme avantage à leurs solutions qu'est-ce qu'ils voient comme désavantage, en fait, à utiliser la solution de Apple? Donc, on va aller poser des questions à ces gens-là directement et on va rencontrer les gens de Callista qui ont, comme je le disais, des solutions de podcast. Ils font une super belle solution de podcast avec des iPod Touch pour faire des podcasts en classe et aussi des solutions pour... oh, cool! De Mitch Jackson. Bonjour, Mitch. Et ils font aussi des solutions pour recharger synchroniser plusieurs pareil en même temps. Et là, il y a cette semaine, en fait, justement, il y a notre ami du Nouveau-Brunswick qui est... son nom m'échappe encore une fois, mais j'ai repris contact avec lui. Il ne sera pas à la COPS, malheureusement, mais on a quelques solutions pour lui. Puis en fait, quand Calista nous a contactés, nous a approchés, ben moi, j'ai voulu aller les voir justement pour ce gars-là au Nouveau-Brunswick pour aller voir ses solutions. Okay. Puis je pense que via le podcast, il va pouvoir voir... on va l'avoir en entrevue, on va faire des enregistrements. Il y a... pour les gars de... Pour les gars de Mac-Québec, c'est un peu à l'interne, c'est un peu un running gag, mais j'ai engagé l'interne de Kim qui va venir filmer, Pascal Audet. Pascal Audet va venir avec moi. Il va foxer ses cours. Non, c'est pas vrai. Il m'a donné ses plages horaires. T'as-tu eu l'autorisation de Kim, là? Oui, j'ai demandé, mais je l'ai dit après. Kim, elle se disait... parce qu'elle a vu dans les communications que j'avais dit qu'il y avait quelqu'un avec nous. Puis elle était là, c'est qui va avoir avec lui? Puis quand j'ai dit que c'était Pascal, elle a dit, ah, oh, super bonne idée, il va pouvoir être là, voir tout ça. Fait qu'elle a trippé, elle trouvait que c'était une bonne idée. Okay. Fait que chez Mac Québec, on trouve des stages, puis en fait, de quoi à faire aux stagiaires pendant leur stage. Oui, il a été super smart, Pascal. C'est pour ça, en fait, que je l'ai approché. Parce qu'il connaît bien la scène, il connaît bien Québec, la ville, il connaît bien le monde là-bas, il est vite, donc voilà. Si vous voulez le suivre, c'est Odette_Pascal sur Twitter. Toujours pertinent, il retweet du bon monde, donc voilà. Okay. Jean-François, je pense qu'on t'entend plus via ton micro. On l'a jamais entendu via son micro, bouge pas. Ah, OK, d'accord. C'est normal parce que je prends le micro Alexis, on a un micro pour les deux. Fait que, parce que moi, j'ai oublié ma petite pochette de micro sur ma table avant de partir. Je suis parti tellement vite que j'ai oublié le micro. Fait que c'est pour ça que vous m'entendez en fond d'écran. D'accord. Sur le H4N, par exemple, il y a une deuxième entrée XLR qu'on pourrait utiliser éventuellement. Fait qu'il y a éventuellement à court ou moyen terme, un nouveau micro à acheter. Voilà. Je vous recommande le mien que j'ai dans mes mains, là, le Samsung QU2. Je ne sais pas si on peut le montrer. C'est-tu USB ou c'est XLR? C'est les deux, en fait. Ah. Je vais vous montrer en dessous, regardez. Ah, OK. Mais alors, c'est-tu celui-là que tu as utilisé tantôt? Ou... Celui que j'utilise présentement. OK. Celui qui fonctionne. Là, depuis que... Aussitôt que je parle et que ça marche, c'est parce que c'est ce micro-là. Un parmi les autres, là. C'est ça. C'est mon plus récent. Puis ce qui est drôle, c'est que ça vient avec un casque d'écoute. Je vais vous montrer la pochette. Ça vient avec un casque d'écoute. Donc, ça vient avec un fil XLR et un fil USB. J'ai encore le... comme ça, voilà. Et tout ça pour la modique somme de 80$ chez Addison. Tu es en train de montrer ton bundle casque d'écoute et micro, et ça me permet de faire un lien vers... Vincent vient de nous quitter, malencontreusement, mais il va revenir. Me permet de faire un lien, permet de te donner la parole. Bernard, il y a un bundle qui est sorti cette semaine. Ah, il y en a deux en route. Là, présentement, il y a le Mac Legion, qui est, je trouve, un peu moins populaire. Ouais. Et il y a le Mac Update, qui, lui, offre, entre autres, le VMware Fusion, donc si les gens ne l'ont pas, c'est le bon moment d'aller l'acheter. Je vais aller tout de suite voir pour les deux bundles pour vous dire exactement. Celui que je trouve le plus intéressant, c'est celui de Mac Update, si je ne m'abuse, c'est-tu bien Mac Update? Je l'ai acheté. Oui, je l'ai acheté. J'ai encore rien installé ou à peu près. Je l'ai acheté pour Data... C'est pas Data Rescue, c'est Disk... C'est Drive Genius 3 qu'il y a dedans, qui permet de faire des défragmentations, qui permet de, je pense, de jouer un petit peu avec les partitions, ça se peut-tu? Oui. Oui. Je vais juste trouver l'information. Celui de Mac Legion est un petit peu moins intéressant, à mon avis. Ça dépend toujours des besoins des gens, c'est sûr. Mais quand on fait un bundle, généralement, on doit essayer d'avoir des logiciels un petit peu plus universels possible, à moins que ce soit un bundle ultra spécialisé, genre on vise les gens du graphisme ou les gens en programmation, par exemple. Celui de Mac Update qui est sorti cette semaine pour 50$, c'est toujours à peu près 50$. Ben, vous avez VM Fusion qui est très intéressant, Drive Genius qu'on vient de parler. Il y a aussi Forklift, Textile Shelf qui en fait, on fait comme des tablettes. On met nos icônes de bureau sur des tablettes. C'est bien rigolo. Il y a Boom. Boom, ça sert à, surtout pour les gens qui ont des portables, à augmenter de beaucoup la force du son. La qualité du son. La qualité, mais aussi la force. Okay. Je l'ai acheté, moi, dans le passé, puis ça augmente beaucoup, ça booste le son, finalement. Donc, c'est bien intéressant. Il y a plein d'autres choses. Donc, allez voir ça. By the way, c'est pas parce que... oui, c'est parce que je veux le plus de monde possible. Juste en dessous de la diffusion, vous avez des boutons. Le bouton chat, évidemment, dans lequel vous êtes probablement, mais aussi le bouton Facebook et Twitter. Et si vous cliquez dessus, en fait, vous écrivez un petit message et automatiquement, ça va envoyer à vos followers sur Twitter et sur Facebook qu'on est en train de faire le show avec l'adresse cliquable pour qu'eux autres aussi puissent venir nous voir et participer à la discussion. Et by the way, ce soir, les deux shows sont un peu mixés. Fait que s'il y a des gens à qui s'attendent de nous poser des questions sur soit le lancement, soit sur d'autres choses, peut-être qu'ils ont des problèmes, à ce moment-là, vous pouvez le faire. Il y a même un bouton dans Spreecast qui vous permet, en fait, juste à côté de Enter sur le chat, vous avez un bouton Comment and Question. Donc, vous pouvez nous envoyer des questions qu'on peut diffuser directement sur le truc. Donc, Spreecast est quand même pas mal plus intéressant comme diffusion. Et je le rappelle, c'est M. Robert Créco, un ami à moi, qui m'a fait découvrir ce site-là, qui dans le temps m'avait fait découvrir Gizmodo et Engadget aussi. Donc, fait quand même longtemps. Donc, et, quelqu'un qui est bien branché. Ben voilà, vous pouvez le retrouver en ligne. Il est un peu partout. C'est pas Greco comme le méchant dans un vieux James Bond. C'est vraiment Créco, C-R-E-C-C-O. C'est un photographe et je vous le recommande si vous avez des événements. C'était-tu lui qui était Web à Québec? Non, je pense pas. Non, okay. Non. C'était Web à Québec, le gars avec qui j'ai fait l'entrevue. C'était pas Marc. Non, je me trompe avec quelqu'un d'autre, là, mais je pense que son nom de compagnie, c'était Marco Gaffry ou quelque chose comme ça. Monsieur Créco est un des... en fait, c'est le bénévole qui est avec Il Sans Fil depuis le plus longtemps. Il était là quand moi, je suis arrivé, s'occupait des ventes et encore aujourd'hui, il est encore bénévole pour... un peu moins actif, mais il est encore bénévole pour Il Sans Fil. OK. D'ailleurs, parlant de Twitter, il y a iPad in Canada qui vient de retweeter l'événement. Check it out at Mac Québec is live from the Apple Store in Montreal. Ben, merci beaucoup, iPad in Canada. Ça nous fait un petit peu de pub puis diriger les gens vers la diffusion. Bien, tout à l'heure, en fait, vu qu'on faisait pas de diffusion, on était beaucoup sur Twitter, on répondait aux gens, on essayait de défendre un peu notre honneur en faisant rire de nous et en se faisant juger. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé que iPad in Canada cherchait une photo, voulait en fait une photo des lignes. Et il était très, très de bonne heure et Jonathan était déjà arrivé. Puis qu'en fait, la photo... très cool, je l'ai pris, elle est en angle et on est deux sur la photo. Fait que je l'ai envoyé, je l'ai tweeté à iPad in Canada. Si vous allez voir sur le site pour l'article qui parle des lignes, on va être là. Je pense qu'on est la plus belle photo. Ouais. OK, donc on voit d'autres nouveaux tweets là, qui viennent de rentrer. Merci à Patrick Ducharme, il y a Nick Archambault qui l'a retweeté. Philippe Soucy également. By the way, on ne peut pas l'appeler Patrick, c'est un running gag, c'est Monsieur Ducharme. C'est Monsieur Ducharme. C'est Monsieur Ducharme. Monsieur, OK, ouais. D'accord, excusez. Parce que sur Twitter, c'est P du charme. On ne pouvait pas présumer de quel était le P. Puis on fait comme s'il ne nous l'avait jamais dit. Fait qu'on l'appelle Monsieur du charme. Et c'est pas une marque de respect. C'est plus une marque de badass comme les gars dans Reservoir Dogs. Donc, c'est dans ma tête. C'est tout dans ma tête à moi que ça se passe. Ça, c'est un peu... juste pour me faire suer. Oui, effectivement. C'est juste pour faire suer... c'est juste pour faire suer Monsieur du charme. Donc, on a vu Jean-François tout à l'heure prendre un bon café Starbucks. Oui, Starbucks. Ne commandite absolument pas le podcast. C'est ça que je voulais vous dire. Ils vendent des espèces de gros vignettes de café. Je pense qu'il y a à peu près 25 tasses dans cette grosse boîte-là. Je vous dis ça comme ça. Un trio, 10 McCroquettes poutine avec un autre beer sans glace. Tu prends note? Donc, si vous voulez faire livrer un repas à Alexis, vous pouvez toujours commander quelque part et faire livrer au Apple Store Montréal. Je l'ai déjà rencontré je l'ai déjà raconté dans le podcast, mais j'ai une anecdote par rapport à faire livrer de la bouffe. Il y a une quinzaine d'années de ça, les Pink Floyd sont venus au Stade Olympique. Et on avait attendu en ligne, puis à un moment donné, on avait faim. Fait que je suis sorti, je suis allé à une cabine téléphonique. On n'avait pas de cellulaire, ou en tout cas, il était probablement déchargé à l'époque. Et on avait... C'est vrai? J'avais commandé chez Mike's une coupe de pizza. Puis quand le gars m'a demandé l'adresse, j'ai dit, ben 35 Pierre de Coubertin. Il a dit, c'est quoi là? C'est un petit peu le stade, on attend pour des billets pour Pink Floyd. Puis il était venu nous livrer, et nous autres, on était dans le fond. Puis on avait entendu la clameur de la foule, en fait. Le gars, il était rentré, tu sais, puis c'était comme... C'était un peu comme si c'était un morceau de viande qui venait rentrer dans une piscine de piranha, tu sais, comme... Le monde, il avait l'air d'avoir faim. Juste une seconde, je vais répéter ma commande McDo. Trio 10 McCroquettes. On remplace la frite par une poutine. Puis la liqueur, c'est une root beer sans glace. Alors, on répète. Alors, on répète un trio 10 McCroquettes. Un Big Mac, grosse patate. On change, alors, un trio, 10 croquettes, on change la frite pour une poutine, puis une root beer sans glace. Diète. Oui. Donc, là, il faut hacker d'ici les écouteurs Motorola que les filles au service à l'auto ont, puis on va passer notre Vincent, il est pas là. Vincent, il est parti voir, en gros, les iPads sont arrivés. Oui, probablement. Il est parti l'installer. By the way, on a une nouvelle un petit peu triste. Les manifestants ont réussi à rentrer dans un futur shop quelconque. C'est lequel, Jonathan? C'est celui Sainte-Catherine. Donc, ils sont rentrés, ils ont ramé la place. Ils ont volé des PlayStation 3. Ils ont volé des PlayStation 3 et ils sont partis. Parce qu'il y a à peu près 150 caméras de surveillance dans ce magasin-là. Ouais. À part des... Bon. Mais dès qu'on a reçu la nouvelle, au lieu de dire « Ah, c'est plate » ou « whatever », ce qu'on a fait, c'est « Pourquoi ils ne sont pas partis avec des Xbox? » Puis ce qu'on a su, c'est qu'ils étaient en solde cette semaine. Fait que... Ah, OK. On va aller voir sur le site de nouvelles s'ils en parlent. Oh, ça brasse un petit peu. Il y a une voiture de police renversée que je vois sur le site de Cyberpresse. Faut le dire, là, je suis un petit peu chicken. Puis quand sont venus tout à l'heure la masse de personnes, j'ai préféré rentrer comme dans le Apple Store. Mais ce que j'avais vraiment peur, c'est que je me suis stationné juste devant le magasin. J'ai réussi à avoir une place, vu que je suis arrivé de bonne heure, juste devant le magasin. Et c'est l'auto de ma blonde que j'ai. Les casseurs étaient venus jusqu'ici et avaient commencé à comme tout péter. C'était comme l'auto de ma blonde qui mangeait à claque. Puis elle était comme vraiment pas contente quand j'ai parlé au téléphone. Je dis non, non, chérie, pas de problème, je m'en occupe de ton auto. Avoir su, j'aurais amené la mienne. Il faut que je la change, justement. Ah, ben voilà. Les assurances auraient payé, là. C'est ça. Je sais pas si des casseurs, des manifestants, c'est considéré comme act of God. Non, non, là, c'est carrément du vandalisme. Oui, c'est ça. Là, il commence à pleuvoir un peu plus fort. Je sais pas si le parapluie... Hey, Gatineau, vous auriez pas pu garder votre orage? Oh, shit, c'est le laptop à... Juste une seconde. À Jean-François? Ouais, c'est le laptop à JF. Bougez pas un petit instant. Je te laisse tout seul, les gens. Okay. Vincent est occupé chez eux. Jean-François est allé chercher de la bouffe. Et on vous laisse en bonne compagnie 30 secondes avec Bernard. Alors, si les gens, vous avez des questions, des commentaires à faire, juste en bas des fenêtres de webcam, vous voyez qu'il y a un bouton « Comment or questions ». Vous pouvez cliquer là-dessus. Vous posez votre question ou vous mettez votre commentaire et moi, je peux la diffuser dans la fenêtre de chat. Donc, plutôt dans la fenêtre des webcams. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, gênez-vous pas. Juste en bas de la webcam à Vincent, vous allez voir le bouton « Comment or question ». Voilà, donc, Jeff vient de planter parce que j'ai fermé son laptop que je voulais protéger. Je vais prendre deux petites secondes pour le mettre dans la voiture. D'accord. Alors, on remercie les gens qui sont toujours avec nous. On va faire une couverture le plus longtemps possible sur l'événement iPad. On va essayer de demander à Alexis d'avoir aussi des gens qui sont dans la file. On va leur poser un petit peu des questions, puis on va surveiller surtout qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des magasins Apple Store. Est-ce qu'ils sont en train de boucher les fenêtres pour pas qu'on voit qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur? Est-ce qu'ils sont en train de tout changer les appareils, etc., etc. Donc, et s'il y a des gens qui ont déjà reçu leur iPad en livraison, ben dites-nous-le. Est-ce qu'il y a des gens qui ont aussi commandé un iPad ou bien un Apple TV? Donc, gênez-vous pas, on attend vos commentaires là-dessus. Là, wow! Là, je suis avec deux parapluies hein, que je tiens avec mes jambes. Je tiens, voilà. C'est vraiment du podcasting de brousse là, qu'on fait. T'as pas de tente? Non, j'aurais dû faire ça à partir d'un iPhone ou à partir de... Oui, il y a du monde qui dit un cheap netbook dans la chat room. Ouais. Là, c'est quand même un MacBook Pro 15 pouces qui est ouvert en dessous de la pluie. C'est pas vraiment ce qu'il peut y avoir de mieux pour lui. Je ne sais pas qu'est-ce que Vincent est parti faire. C'est long, hein? Peut-être un besoin pressant. Mm-hmm. Bouge pas, je vais juste... Il y a Benoît Harvey qui dit « Je veux vendre mon iPad 2 à ma blonde, mais elle me dit que je devrais lui donner. Est-ce un bon deal? » Moi, je dirais oui, je me ferais payer en nature. Oui, oui, voilà. Voilà. Très bonne suggestion. Très, très bonne suggestion. Une petite information que j'ai pris cette semaine, le H264, en fait, qui est en train de prendre de plus en plus de place sur la scène. Là, on le sait, c'est un format que Apple préconise beaucoup, beaucoup. Et je pense que la nouvelle, c'est à propos du fait que Firefox va bientôt supporter le format H264. Alors qu'avant, il n'allait pas le faire. Oups, on vient de perdre Alexis. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des manifestants qui ont été... on se retrouve avec moi tout seul, Vincent qui est parti et Alexis. Et... Oh, j'essaie de voir s'ils sont toujours là. Il manque de personnes dans Speakcast. Est-ce que tu m'entends, Vincent? Oui, je t'entends. OK. Là, ben, présentement, moi, je suis en onde, mais pas via le Skype. Je suis avec mon micro. Peut-être qu'en attendant que nos amis reviennent, branche ton micro directement dans Speakcast. En ce moment, là, tu parles dans Speakcast parce que moi, je t'entends, j'ai tout fermé mes choses dans Speakcast. Là. Donc, tu parles dans Skype en ce moment. Oui, bien moi, les gens m'entendent aussi à l'intérieur du Spreecast avec mon microphone. OK, tu veux que je mette mon microphone dans ouais. Spreecast? Okay, okay. Oui, ouais. Parce que j'ai pas Wiretap Anywhere dans okay. Lion. M'entendez-vous dans Speedcast? Oui, bon, parfait. Parfait. Donc, on a eu une coupure abrupte. On a entendu un petit peu je ne sais pas s'il y avait des manifestants, on a entendu un petit peu comme des cris, okay. Puis ça l'a coupé carrément. Donc, je on va aller rejoindre l'hélicoptère en haut, justement, de l'Apple Store que Kim a loué pour ma Québec. Des coups de feu aussi. Ouais. Peut-être que Alexis s'est fait voler son micro ou sa place son portable. Pour l'iPad. Sa place pour l'iPad, là, il paraît qu'ils sont bien fâchés entre eux. Là. Ils veulent vraiment être le premier, fait qu'ils vont éliminer Alexis pour ça. Mais là, on se demandait où est-ce que tu étais parti. J'ai dû régler quelque chose, mais là, c'est correct. Fait que, OK, d'accord. Parce que là, tout d'un coup, on regardait, hein, il est parti. Où est-ce qu'il est parti? Il ne nous a rien dit. Ben, j'ai fait une minute, mais... Ouais. Parce qu'à un moment donné, tout a coupé. Là, je t'ai rendu tout seul à parler. Une chance que les gens nous suivent toujours sur le chat, puis que je puis toujours lire, puis qu'on regardait un petit peu ce qui se disait à l'intérieur. Donc, c'est ça. On a perdu nos amis Alexis. On parlait un petit peu avant qu'on coupe le fil. Je me souviens même pas de ce qu'on parlait. Ah oui, on parlait de voitures et de vandalisme là, qu'il y a eu à Montréal. Puis, encore? Ouais, bon, mais il paraît qu'ils ont été défoncés un Future Shop puis ils ont volé des PS3. Effectivement, tantôt, Alexis en parlait. J'ai vu ça aussi passer sur Twitter. Ils ont défoncé un Future Shop. Ils ont défoncé quelques vitrines aussi. Ils ont viré des autos de police à l'envers. Deux autos, je crois. Ou plus, là, peut-être. Mais je me demande, quand tu vas en Europe, là, tous les magasins, toutes les maisons, ils ont des espèces de rideaux de fer au niveau des portes et des fenêtres. Quand ils ferment les magasins, ils ferment tous ces rideaux-là. Fait que c'est sûr qu'ils ne pourront pas se faire défoncer. OK, tu ne vois pas le stock à l'intérieur, mais au moins, quand il arrive ce genre de choses-là, surtout quand tu sais qu'il va y avoir une manifestation tel jour à telle heure, je ne sais pas, mais il me semble que... J'ai un peu de misère à comprendre pourquoi Future Shop, justement, en plus que ce soit un magasin d'électronique, ça, c'est pas Chanel là, avec du parfum. C'est un magasin d'électronique qui a beaucoup d'argent dedans. Oui, il y a des choses qui sont sur le plancher, d'autres qui sont barrées en arrière, mais je veux dire, ça se peut que quelqu'un défonce puis rentre quand c'est une grosse gang, il n'y a personne qui va pouvoir intervenir, puis ils vont perdre leur équipement. Malheureusement, il faut. C'est un peu plate, là. Il n'y a personne qui fait nécessairement sa job, puis je ne sais pas si ça va passer pour les assurances ou quoi que ce soit. Là. En attendant, on va répondre à une question de M. Parslow. Est-ce qu'il existe un adapteur pour lire tous les fichiers d'une clé USB? Ce serait mon premier iPad demain. Moi, personnellement, je n'ai jamais essayé de mettre un adapteur USB avec une clé dedans. Je crois qu'il reconnaît les photos, peut-être de la musique ou des vidéos, mais je ne peux pas vraiment en parler. Il existe une clé USB qui coûte assez cher, par exemple, qui permet d'échanger entre un iPad et la clé, mais c'est une clé qui est en Wi-Fi, en fait. Okay. Donc, elle permet de recevoir les fichiers et on peut transmettre à un autre appareil qui pourrait lire, là, en fait, le Donc, on branche, on le fait, n'importe quel appareil à l'intérieur, puis lui, c'est comme un récepteur Wi-Fi, mais c'est comme une clé. Il faudrait que je retrouve la référence, mais c'est à peu près la seule façon qu'on pourrait faire avec le iPad. J'imagine, si on cherche dans Google, clé USB, iPad, Wi-Fi, avec la clé, là, peut-être que... C'est combien à peu près? L'adapteur? Oui. Ce que je te parle? Oui. Ah, c'est presque 200 $ là, 150 à 200 $ Mais c'est à peu près la seule solution que j'avais trouvée. OK. Pour pouvoir échanger des fichiers entre deux appareils sans avoir besoin d'un ordinateur. OK. Ou sinon, il y a aussi un petit problème pour ceux qui ont encore ou qui avaient la dernière version de 5.1, mais en bêta là, du mois de janvier, le 9 janvier, je crois. Ils ont carrément coupé, j'ai fait un article rapide sur Mac Québec, mais ils ont complètement coupé les serveurs de ça. Donc, la plupart, ou en tout cas bientôt, là, tout le monde va avoir le message. Ça dit problème d'activation sur votre iPhone et iPad. Moi, ça a commencé hier avec l'iPad, puis ce matin avec mon iPhone. Donc, j'ai dû installer la nouvelle version de 5.1 qui est disponible au public, parce que justement, il coupe les pompes là, pour ça. Donc, si vous voyez ça, puis vous voyez que vous ne pouvez rien faire d'autre, le problème d'activation, puis vous voyez que les serveurs sont pas disponibles pour l'instant ou blablabla. Malheureusement, c'est ça. Donc, vous avez 5.1 bêta. Réinstallez la nouvelle, ça règle tous les problèmes. Soyez. Si c'est pas encore fait, faites tout de suite une sauvegarde dans iCloud ou sur votre ordinateur parce que justement, vous ne pourrez plus le faire après. Là. Il y a Christophe Anne, qui est un Belge, qui avait un problème. Tu te souviens qu'on avait parlé du problème d'un disque qui était bloqué à l'intérieur d'un appareil, mais surtout d'un disque qui refusait de rentrer dans l'appareil. Oui. Puis j'avais eu le même problème, puis j'avais donné la fameuse commande DR utile, puis on a fait une joke avec ça. Mmh. Mais finalement, il nous dit dans le chat que ça a bien fonctionné. Bon, donc, c'est le fun d'entendre ça. Puis il nous parle aussi que des rideaux de fer que je parlais tout à l'heure, devant chaque commerce, ça fait des rues sombres la nuit et du vandalisme et des rues moins sécures. Effectivement, mais le magasin que nous, on parle, c'est vraiment en plein cœur du centre-ville de Montréal. En fait, tout autour, il y a des bars, il y a toujours de l'action, il y a toujours quelque chose 24 heures sur 24 à cet endroit-là, dans ce coin-là. Donc, Souvent, on voit des bars, parfois, au niveau résidentiel, là, des fois, il y a des personnes qui mettent ça devant leur sous-sol, devant les fenêtres de leur sous-sol. Puis c'est des barres blanches qui sont assez petites. Puis c'est pas nécessairement, je parle pas d'un rideau de fer complet qu'on tire, mais juste des barreaux qu'on met. Future Shop, là, au centre-ville, je pense sur Sainte-Catherine, ou en tout cas autour de Sainte-Catherine, le mur là, est tapissé. C'est pas des grosses fenêtres, tu vois vraiment à l'intérieur, donc ce serait assez facile de mettre des grilles blanches qui ne dérangent pas. Les lumières sont quand même allumées, je crois, dans le Future Shop. Donc, je veux dire, oui, effectivement, ça peut être un peu plus sombre, mais je veux dire, à perdre d'équipement à l'intérieur, c'est un peu plate, surtout la journée avant le iPad. Là. Mais c'est vrai que, comme le dit Benoît Harvey dans le chat, le Future Shop était ouvert, en fait, ce soir. Ils ont fait ça avant 9 heures. Là. OK. Donc, on a Jean-François qui semble être de retour. On va le glisser. Donc, c'est une bonne nouvelle. Sinon, ben la suggestion des gens, on peut toujours appeler nos amis via... Attends, je vais rajouter là. Oui. Peut-être appeler Alexis pour voir qu'est-ce qui se passe. On va l'appeler. On devrait entendre. On entend un petit peu le téléphone en arrière. Ça faisait-tu plusieurs minutes avant que Jeff et Alexis quittent quand je suis revenu? Environ 5 minutes, 5-6 minutes. OK. Bonjour, vous allez bien rejoindre la OK, donc on a attaqué Alexis, on lui a volé sa première place. On va... je vais appeler Jean-François. Oui, OK, d'accord. Donc on devrait entendre aussi une autre sonnerie. Là. Est-ce que tu vas nous faire entendre? Moi, je l'ai rajouté. Il devrait bientôt parler, je crois. Non, on t'entend pas, GF. Ben, en tout cas, au moins, on voit qu'ils sont toujours là. Oui. En tout cas, pour Jean-François, sans mettre dans l'auto. Là, vous m'entendez. Oui, là, on t'entend. Mm-hmm. OK. Là, par contre... Là, je pensais à ça. On ne pose pas Skype dans l'application, dans Spreecast. Donc, en fait, le monde dans Spreecast va pas nous t'entendre. C'est pas grave. Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé, puis vous le leur direz. Moi, je vais aller avec les gars. OK, c'est bon. Donc, il a commencé à mouiller fort, puis il y a quelqu'un qui a tabassé sous les parapluies, puis Alexis est en dessous. Fait que là, ça a tout fucké son setup parce que l'ordinateur a bougé. Fait que fallait pas que l'ordinateur bouge. Ça a débranché. Et il était déconnecté au complet. Fait que c'est pour ça que là, on n'est plus là. Fait que, okay. Je savais que ça allait être ça parce que le problème que Alexis a parlé rapidement au début du show, c'est qu'il y a eu un MacBook Pro, mais le problème, c'est que c'est un problème de batterie. Donc, dès que tu débranches l'alimentation, le MacBook Pro s'éteint. Donc, c'est probablement okay. pour ça là, que ça a coupé. OK, Vincent, on va répéter pour les gens qui sont dans le chat, ouais. qui n'ont pas pu entendre ce que Jean-François a dit. Il s'est mis à pleuvoir un peu plus fort. Et comme vous avez vu, ben Alexis protégeait à la fois l'ordinateur de Jean-François et celui de le sien et son setup. Et comme il y a des gens qui ont tapé sur les parapluies, bon, ben, ça a foqué un peu le setup d'Alexis. Et c'est ce qui a fait que là, ben, tout a fermé. Et il va falloir qu'il refasse son setup. Je reviens va finir par nous revenir. En fait, vous pouvez l'entendre dans l'application, là, mais... Je reviens, les pompiers sont là. Bon, il y a des manifestations. Ça va pas long. Sainte-Catherine. Son donc, par contre. Il nous dit que les pompiers sont arrivés, donc ça a l'air à brasser. JF, peux-tu couper ton son dans Skype s'il faut que tu quittes? Ah oui, excusez. En fait, comme c'est ça, nous on avait entendu beaucoup de sons, on dirait qu'ils sautaient ou... C'est Bernard! Appelle. C'est pas Vincent, c'est Bernard. Comment? C'est Bernard qu'il faut qu'il m'appelle, pas Vincent. Sinon, c'est Bernard qui se diffuse. Fait que c'est Bernard. Bernard ne diffuse pas en ce moment. Non. Jean-François, mets ton propre micro à l'intérieur de Spreecast. On va laisser faire Skype. Ah, OK. Ben non. Déconnecte pas de Skype, là, mais... Déconnecte pas de Skype, mais branche ton micro en place dans Spreecast. Oui. Comme ça, je vais pouvoir diffuser dans l'application. Est-ce que les gens, vous entendez Jean-François dans l'application maintenant? Bien, en fait, sur Spreecast. Sur Spreecast. Non. Non. Jean-François, peux-tu reparler, voir? Allô? Et là, est-ce que vous l'entendez? Allô? Est-ce que non. On m'entend? Non, on m'entend. Ton micro, il n'est pas ouvert dans Spreecast. Tu sais, en bas, là, de la barre en dessous des caméras, il y a le bouton live, là, le bouton caméra, puis juste à droite, il y a le micro. Il est ouvert? Oui, mais là, il devrait m'entendre. Là. Est-ce que ça bouge quand tu parles? Ça bouge où? Ah, oui, non, c'est vrai. On voit pas ça. Mais c'est pas grave, de toute façon, je vois. Comment je vais faire, là? Fais le bouton de droite de la souris, va dans paramètres. Choisis ton micro dans le menu. Donc, il y a deux options pour ceux qui nous écoutent dans Spreecast. Donc, soit que, évidemment, vous apprenez le langage des signes, parce qu'il va parler avec ses lèvres seulement, vu que vous voyez dans l'application, ou vous l'écoutez dans l'application temporairement le temps qu'on règle le problème. Là, à date. En tout cas, je vois checker, là. Christophe Anne dans l'application, dans Spreecast, dit dans 5 ans, on se souviendra des problèmes de. En fait, je vais couper, je vais censurer un peu, mais des problèmes dans Spreecast, donc c'était le bon temps puis tout, mais effectivement, espérons qu'on n'aura plus de problèmes bientôt pour être sûr de ne pas se dire dans 2 ans au lieu de 5 ans. Là. Mais pour le morse. Malheureusement, encore une fois, s'il n'y a pas de son, à moins qu'il mime avec des coups de doigts ou je sais pas trop dans l'écran. Là, On parle pas le morse, mais on parle surtout le fuck. Ah, oh, fuck, ça marche pas. C'est ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend même les pompiers en arrière. Ah, oh, ils viennent de passer, c'est pour ça. Là. Entendez-vous, JF? Non, ça doit pas. Ils doivent pas m'entendre. J'ai. OK, non, donc c'est bien bizarre. Je vais essayer, moi, de... Ben, je vais... Le problème, c'est qu'avec Lion, le Wiretap Anywhere ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Là, ben, il est quand même 11h15 aussi. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que nous autres, on va... Ben, moi, je vais quitter. Je vais aller revoir les gars en ligne. OK. Puis, on va... Bon, on le perd, là. On est en train de le perdre. Ouais. Vous me perdez? Oui, ça coupe un petit peu peut-être ta connexion. Ben là, je suis dans le char. Là. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend dans le Skype, mais... Oui. Fait que on va... Dites au monde que moi, je vais quitter et on va en faire un plus tard, moi puis Alexis. Parfait. Okay. Excuse-moi, Vincent. Vas-y. Alors, ce que Jean-François nous dit, c'est qu'ils vont quitter. On va quitter nous aussi. Alexis et Jean-François vont revenir un petit peu plus tard pour diffuser. J'imagine qu'ils vont fonctionner avec Twitter pour vous annoncer un petit peu une nouvelle diffusion de l'événement. Il va falloir prévoir faire un autre embed code, j'imagine, dans la page Mac Québec pour le nouveau canal. Mm-hmm. Donc c'est ça. Ou sinon, faire un résumé peut-être, un résumé de la soirée. Le iPad va être disponible dès 8h demain matin. Va être disponible évidemment dans les Apple Store, mais aussi dans d'autres succursales comme le Future Shop, Best Buy ou Burango. Donc, va être disponible un peu partout. Attention, pour Future Shop, Best Buy et Burango, les quantités sont assez limitées, comme l'année passée puis comme les autres années. Donc, il va falloir faire attention. Si vous êtes dans les premiers dans la ligne, vous allez être correct, mais si vous voyez que vous êtes très loin chez Future Shop, chez Best Buy ou Burango, malheureusement, vous n'allez peut-être pas en avoir. De toute façon, ils vont distribuer des papiers avec le iPad que vous voulez, que ce soit blanc, noir, 16, 32, 64. Donc, dès que vous avez ce papier-là, vous avez une confirmation que vous avez qu'un iPad en fait de disponible à votre goût. Ensuite, les mises à jour rapides. Le iPad est un peu plus lourd, mais la batterie est un peu plus puissante pour supporter en fait le processeur, le nouveau processeur A5X qui supporte du quad-core graphique, mais c'est encore un processeur bicœur à 1 GHz. Ensuite, l'écran, c'est du Retina, donc 2048 par 1536. Donc, c'est ça. Je sais pas, y a-t-il ouais. d'autres choses? Ben, j'ai eu une question, moi, par courriel cette semaine qui me demandait si le nouveau iPad allait supporter Siri. Moi, j'ai répondu que non. En fait, mais que Siri est toujours en bêta, en fait. C'est quelque chose qui a été offert pour faire promouvoir un petit peu la vente du iPhone 4S. C'est un des principales nouveautés du iPhone 4S qu'allait permettre la vente de l'appareil. Il n'y a rien qui empêche de rouler Siri sur le nouveau iPad. Oui, parce qu'il est assez puissant. Par contre, le Siri inclut tout ce qui est voix. Puis, un téléphone, ça inclut la voix, mais un iPad, c'est un forfait qui est, par exemple, donné. Donc, des données, là, si vous allez sur Internet. Il y a un support vocal qui est disponible, qu'ils ont ajouté. Donc, si vous allez, par exemple, taper un courriel, vous allez voir, comme dans Siri du iPhone 4S en ce moment, une espèce de petite... un petit micro mauve. Vous allez voir dans le clavier qu'il va être la même chose dans le iPad 3. Ça, on a passé un peu par-dessus là, dans les dernières semaines. Mais c'est ça, le voice, eux, ils l'appellent le voice support, qui avait parlé dans le keynote, mais c'est pas un Siri. Donc, vous allez juste pouvoir parler, ce qui est quand même intéressant, parler à votre iPad, puis il va pouvoir taper votre texte ou taper un message texte. Une conversation sur Twitter. Donc, vous allez juste à cliquer ce bouton-là, puis il va vous écouter là, au lieu de taper sur le clavier directement sur l'iPad. Je viens de retourner voir le statut de ma commande pour le nouveau Apple TV. Et c'est toujours en préparation de commande. Donc, processing? Puis je suis même pas rendu à Concorde, Ontario, parce que j'ai vu que Christophe Anne disait dans le chat que c'était bloqué pour les iPads toujours à Concorde, Ontario, mais ça veut rien dire, ça. Ils vont peut-être essayer de pousser peut-être un peu plus rapidement les iPads au lieu des Apple TV, parce qu'ils ont quand même beaucoup de choses à pousser, là, que ce soit Apple TV ou que ce soit les nouveaux iPads. Mais je suis sûr que tu vas probablement recevoir des nouvelles demain, puis ils vont dire le 17, tu vas les recevoir. Ouais. Ben, présentement, ils disent entre le 16 et le 19. Ah, OK, bon. Donc, j'imagine que... D'ici dimanche, ça va être correct. D'ici dimanche, ça va être correct. Mm. Ou sinon, y a-t-il quelque chose d'autre à rajouter? Non, pour le moment, je crois que ça a fait pas mal le tour. Ouais. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nos amis Alexis et Jean-François qui se trouvent présentement dans la file. En fait, Alexis, c'est le premier de la file. Et Jean-François également fait partie de la file dans les premiers. Donc, eux vont revenir possiblement tout à l'heure. Ils vont vous tweeter ça pour vous dire à quelle heure qu'ils vont rediffuser un nouveau podcast spécial. Soit un nouveau podcast, s'ils décident d'en faire un. Mm-hmm. Dans ce cas-là, allez sur... Dans le fond, suivez-les sur Twitter, ils vont l'annoncer. Ouais. Puis allez directement sur Spreecast au lieu de passer par la page du podcast parce que probablement qu'ils sont... peut-être qu'ils vont être capables de le faire, là, d'aller modifier directement le embed dans MacQuébec, le site. Ou sinon, c'est ça, suivez-les. Puis malheureusement, il n'y aura pas de diffusion dans l'application parce que c'est moi qui feed dans l'application. Donc, ça risque d'être un peu plus compliqué. Là, puis je ne veux pas me faire réveiller à 3 heures le matin pour faire le feed. Donc c'est ça. Ça nous parlera des accès. Peut-être qu'on pourrait le faire nous autres même à un moment donné. Ben, pour l'application, oui. Il n'y aura pas de problème. Là. On s'arrangera. Ouais, s'arrangera. Parce que ça va prendre des vacances à un moment donné. Oui, c'est ça, un jour. Il y a aussi demain matin, les gens, s'ils veulent suivre un petit peu, à la télé demain matin, il y a Alexis qui va être à TVA, également à LCN et au canal Argent. Donc, demain matin, j'imagine, durant Salut, bonjour, durant l'émission du matin de LCN et de Argent, il y a Alexis qui va être de la partie, il va être interviewé, donc vous allez pouvoir le voir demain matin. Aussi à la radio avec Paul Arcand, je crois. Avec Paul Arcand, oui, également, et Dominique Arpin. Dominique Arpin aussi, donc... Ça va être monsieur, c'est Monsieur TV de Macquébec en ce moment. Là. Donc, sur ça, bien, on se dit bonne fin de soirée. Merci beaucoup, oui. Vincent. Ben, merci à toi, Bernard. Et si, Jean-François et Alexis nous entendent, bien, on les salue également. Effectivement. Et merci beaucoup à tout le monde qui était là ce soir. Ça fut bien apprécié. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y a un podcast régulier. Oui, là, c'est ça. Je ne suis pas sûr... On va vérifier, bien, probablement que oui, là, pour la sortie du iPad, du nouveau iPad. Puis les amateurs de Mac Bonsoir, comme à chaque semaine. Ou peut-être une petite surprise, sait-on jamais. Je travaille sur quelque chose et j'attends des confirmations avant d'annoncer. Oh, OK, parfait. Donc, Bernard, on peut te trouver où sur les internets? On peut me trouver sur Twitter, @cybernard, et également sur Facebook, facebook.com/cybernard. Également, ben, il y a Google Plus, mais ça, je pense qu'il n'y a plus personne là-dessus. Non, et en fait, un petit peu partout, Cybernard, Cyber en majuscule, N-A-R-D en minuscule, ça veut dire que c'est moi. OK. Et toi, Vincent? Moi, on peut me retrouver sur Facebook. Par contre, si je n'ai pas parlé à la personne au moins une fois ou deux, je risque peut-être pas vous accepter. Donc, désolé si je ne vous accepte pas. Ensuite, sur Google Plus aussi, mais je suis pas souvent sur Google+. En fait, la dernière fois, comme j'ai dit, c'était quand on a fait un test du Hangout avant Noël. Donc, ça fait un méchant bout de temps. Mais je reçois des courriels du monde qui m'ont mis dans leur cercle. Donc, je vous remercie. Ou sur Twitter, là, je suis beaucoup plus présent. Donc, D-E-V, V Miller. Il y a deux V au milieu. Donc, c'est ça. Puis, si vous avez une application à développer, iPhone ou iPad, gênez-vous pas, contactez-moi. Si vous vous informez des prix ou juste... J'ai une question aujourd'hui. M'a demandé quelqu'un si vous avez besoin d'un brevet ou quelconque. En fait, non. À moins que ce soit une idée extraordinaire, là, que avec un adapteur ou vous n'avez pas besoin de brevet. Là, donc c'est ça. Mais contactez-moi. Juste me poser une question. Vous n'êtes pas obligé de faire affaire avec moi. Puis il n'y a aucun problème. En tant que bénévole à Mac-Québec, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. OK. Juste avant de quitter, il y avait M. Parson. On ne l'avait pas vu. J'avais pas vu. La deuxième question. Donc, le seul moyen de transférer dans un iPad, c'est iTunes. Pas nécessairement. Vous avez d'autres moyens de transférer des fichiers, soit par un Dropbox, par exemple. Vous avez d'autres façons de le faire. C'est pas la... Ça peut être... Oui, vas-y. Si, par exemple, on parle de photos, vous pouvez passer entre votre Mac de par photo stream. Donc, l'iPhoto, les dernières versions sont supportées, sont compatibles avec le photo stream, qui est en fait sauvegarder les 1000 photos, les 1000 dernières photos dans les serveurs d'Apple. Donc, vous mettez des photos de iPhoto dans ce photo stream-là, vous allez l'avoir sur votre iPad, sur votre iPhone. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de façons. Vous pouvez aussi, si vous voulez ouvrir une photo rapide, vous pouvez vous envoyer un courriel. C'est plus simple que ça. Mm-hmm. Envoyez-vous un courriel, puis vous allez pouvoir ouvrir directement la photo, l'ajouter dans votre iPad ou de la musique encore. Donc, ouais. Ben voilà. Donc, c'est ce qui complète l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine et possiblement durant la nuit ou dans quelques heures. Il y a Jean-François et Alexis qui vont être de retour. Donc, surveillez vos Twitter. Merci. Exactement. Bye-bye. Bye-bye.